Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui. Que cet après-midi vous soit douce. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Cette semaine, retour sur la bombe. d'Enola Gay à Farm Hill, une histoire mortelle. Il est explicitement dit que le fonctionnement d'une uranium machine allait engendrer l'élément 94 qui serait facilement séparable et dont on disait qu'il pourrait servir à fabriquer une bombe atomique. Il nous garde secrètement, nous n'avons aucun recours légal. Otto Hahn, Max von Laue, Heisenberg, Gerlach, Hartig, Wirtz, Korsching, Bagge, Liebner. Opération Epsilon. Rapport de l'officier Rittner à Michael Perrin des services secrets britanniques. Copie au commandant Eric Welch. Journée des 6 et 7 août 1945. Ce rapport contient les premières réactions des invités à la nouvelle de la mise au point et de l'utilisation de la bombe atomique par les Alliés. Les invités ont été complètement abasourdis par la nouvelle. Au début, ils ont refusé d'y croire. Ils ont pensé que c'était un bluff de notre part pour obliger les Japonais à se rendre. Après avoir entendu l'annonce officielle, ils ont compris qu'il s'agissait vraiment de cela. Leur première réaction, que je crois sincère, a été une expression d'horreur à l'idée que l'on ait pu utiliser cette invention pour provoquer des destructions. août 1945. Peu après le dîner, j'ai informé le professeur Otto Hahn que la BBC avait annoncé qu'une bombe atomique avait été lâchée. Hahn a été complètement brisé par la nouvelle. Il a dit qu'il se sentait personnellement responsable de la mort de centaines de milliers de personnes, puisque c'est sa propre découverte qui avait rendu la bombe possible. Il m'a dit qu'il avait pensé, au départ, se suicider quand il avait compris les conséquences terribles que sa découverte rendait possible. Il se rendait maintenant compte qu'elle s'était réalisée et qu'il était coupable. On a pu le calmer à grand renfort d'un stimulant alcoolisé et il est descendu pour dîner où il a annoncé la nouvelle aux invités qui étaient rassemblés. Comme on pouvait s'en douter, la nouvelle a été accueillie avec incrédulité. Voici la conversation qui eut lieu au cours du dîner. Ils n'ont pu la faire que s'ils ont un système séparant les isotopes de l'uranium. Ils l'ont également. Avant la guerre, mes assistants avaient séparé une fraction de milligramme en 39, avant la guerre. De l'uranium-235? Oui, de l'uranium-235. Mais est-ce qu'ils ont utilisé le mot uranium en parlant de cette bombe atomique? Ah non. Non. Alors, ça n'a rien d'atomique, mais l'équivalent de 20 000 tonnes de matériaux explosifs. C'est terrifiant. Est-il possible qu'ils aient un réacteur fonctionnant assez bien et qu'ils l'aient eu depuis assez longtemps pour séparer 93? Je ne le crois pas. Sir Charles Frank, physicien britannique. Remarkable also at the fact that it took... Il est étonnant que Hahn, qui était vraiment l'expert en éléments radioactifs du groupe, ait mis une semaine pour comprendre que le plutonium, qui avait été cité aux informations, devait être l'élément 94. En fait, les détenus ont échafaudé des théories, surtout à partir de l'élément 93. Tout ce que je peux avancer, c'est qu'un amateur en Amérique qui n'y connaît presque rien les a bluffés en leur disant « Si vous lâchez ça, c'est l'équivalent de 20 000 tonnes de super-explosifs. » Mais en fait, ça ne marche pas du tout. De toute façon, Heisenberg, vous êtes tous battus. Vous pouvez remballer. Je suis bien d'accord. Ils ont 50 ans d'avance sur moi. Je ne crois pas à un mot de cette histoire. Ils ont dû dépenser les 500 millions de livres dont ils ont parlé à la radio pour séparer les isotopes. C'est facile. Les Alliés savent que c'est facile. Ils savent donc qu'on finira vite par trouver s'ils nous laissent poursuivre nos travaux. Je pensais qu'on n'y arriverait pas avant 20 ans. À mon avis, ça n'a rien à voir avec l'uranium. Ça devait être une bombe relativement petite, une bombe de poche. Je veux bien admettre que ce soit une bombe à haute pression. Je ne crois pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec l'uranium. C'est un truc chimique dont ils ont augmenté énormément la vitesse de réaction. Et ça a fait croître énormément la puissance d'explosion. Nous avons toujours pensé que faire une bombe nous prendrait 2 ans. S'ils l'ont vraiment, Ils ont été bien avisés de garder tout ça secret. Je suis bien content que nous ne l'ayons pas eu. Qui faut-il blâmer ? Otto Hahn. Otto Hahn, en 1938, a découvert la fission nucléaire. Sans cette découverte, il n'y a pas de bombe atomique. C'est effrayant que les Américains l'aient fait. Je crois que c'est folie de leur part. On ne peut pas dire ça. On peut aussi bien dire, c'est la façon la plus rapide de mettre fin à la guerre. C'est ce qui me console. Je ne crois toujours pas un mot au sujet de cette bombe. Mais je me trompe peut-être. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'ils aient environ 10 tonnes d'uranium enrichi, mais pas qu'ils aient 10 tonnes d'uranium-235 pur. Je croyais qu'une toute petite quantité d'uranium-235 suffisait. S'ils l'enrichissent même de peu, ils peuvent construire un moteur qui fonctionne. Mais on ne peut pas faire un explosif avec ça. Mais s'ils ont, disons, 30 kilos de 235 pur, ils ne peuvent pas faire une bombe avec ça. Mais ça pèterait pas. Mais pourquoi me disiez-vous qu'il fallait 50 kilos de 235 pour faire quelque chose? Maintenant, vous dites qu'il faut 2 tonnes. Je ne veux pas me prononcer maintenant. Il y a tellement de possibilités, mais aucune que nous connaissions, cela est sûr. Aucune que nous ayons essayé. Et je dirais qu'au train où nous allions, on n'aurait pas pu réussir pendant la guerre. Oui. Ce n'est pas vraiment rassurant de savoir qu'on est personnellement capable de faire quelque chose que d'autres pourraient faire à leur tour un jour. Une fois, je voulais proposer que tout l'uranium connu soit coulé au fond de la mer. S'ils l'ont fait avec de l'uranium-235, on devrait comprendre comment. Ça ne dépend que de la quantité qu'ils ont utilisée. 50, 500 ou 5000 kilogrammes. Mais nous ne connaissons pas l'ordre de grandeur. On peut supposer qu'ils ont une méthode de séparation isotopique dont nous n'avons aucune idée. Nous n'avions qu'une personne travaillant là-dessus. Ils y ont peut-être mis 10 000 personnes. Vous croyez qu'ils ont pu obtenir l'élément 93 ou 94 en faisant fonctionner un ou plusieurs moteurs? Ça me paraît peu probable. Bien. Je crois qu'on va parier avec Heisenberg que c'est du bluff. Il y a une grande différence entre découverte et invention. On peut toujours être sceptique au sujet d'une découverte et finalement être très surpris. Mais dans le cas des inventions, ça ne peut vraiment surprendre que les gens qui n'étaient au courant de rien. On a travaillé dessus pendant 5 ans. Ça reste un peu bizarre. Regarde la méthode de séparation de Clusius. Beaucoup de gens avaient travaillé sur la séparation des isotopes. Et un beau jour, Clusius a trouvé. C'est la question de la séparation isotopique qu'on a complètement négligée, en partie sans savoir et en partie sciemment. Oui, mais seulement parce qu'il n'y avait aucune méthode raisonnable. Séparer 234 de 238, ou bien 235 de 238, c'est une affaire extrêmement compliquée. Il aurait fallu avoir une équipe complète. Nos moyens étaient insuffisants. Il aurait fallu produire des centaines de composés organiques de l'uranium, les faire examiner systématiquement par des assistants, puis les tester chimiquement. On n'avait personne pour faire ça. Mais on savait bien comment il fallait faire. Cela supposait d'y employer 100 personnes, et ça, c'était pas possible. À travers toutes les choses scientifiques que mes deux collaborateurs américains m'ont envoyées en 40, j'ai pu voir que ça intéressait les Américains. En 1940, Van der Gritten m'a écrit en me disant qu'il séparait des isotopes avec la General Electric. Il était bon, ce Van der Gritten ? Non, il n'était pas vraiment très bon. Mais le fait qu'on l'avait employé montrait qu'il travaillait dessus. Ce salaud de Bomke était dans mon institut. Je n'ai jamais rencontré un aussi fiévé menteur. Cet homme est venu me voir en 38, quand mon assistante, la Fräulein Lise Meitner, une physicienne de premier plan, non-arienne, était encore là. C'était pas facile de la garder à l'institut. Je me souviendrai toujours comment Bomke est venu nous voir, comment il m'a dit qu'il était poursuivi par l'État parce qu'il n'était pas nazi. On l'a pris, puis on a découvert qu'il était un vieux militant du parti. Extrait de l'ouvrage « Les savants d'Hitler » de John Cornwell. La lettre de Lise Meitner. En juin 1945, alors que la vérité sur les camps de concentration est publiée et diffusée en Grande-Bretagne, Meitner déverse ce qu'elle a sur le cœur dans une lettre à Otto Hahn, son ancien collaborateur. La missive ne lui parvient pas et pour cause, il est retenu avec le reste du groupe, dans le plus grand secret. Après qu'elle eut écouté à la BBC un reportage très factuel de Britanniques et d'Américains sur Bergen-Belsen et Buchenwald, le besoin l'a pris de « hurler et elle ne put trouver le sommeil de toute la nuit. Se souvenant des gens qu'elle avait vus en piteux état à leur retour des camps, elle écrivit qu'Heisenberg et des millions de gens avec lui devraient être forcés de voir ces camps et le peuple martyrisé. Vous avez tous travaillé pour l'Allemagne nazie et vous n'avez essayé d'opposer qu'une résistance passive. Certes, pour racheter votre conscience, vous avez aidé ici ou là un persécuté. Mais vous avez laissé assassiner des millions de gens innocents sans élever aucune espèce de protestation. Je dois vous écrire ces mots car tant de choses dépendent, pour l'Allemagne comme pour vous, de la reconnaissance de ce que vous avez laissé faire. Moi-même et beaucoup d'autres croyons qu'une solution serait que vous publiez une lettre ouverte déclarant que, par votre passivité, vous êtes conscient de vous être rendu co-responsable de ce qui est arrivé. Mais beaucoup estiment qu'il est trop tard. Ils disent que vous avez d'abord trahi vos amis, puis vos hommes et vos enfants, en ce que vous les avez laissés jouer leur vie dans une guerre criminelle, et enfin que vous avez trahi l'Allemagne elle-même, parce que quand l'issue de la guerre était déjà complètement désespérée, vous n'avez pas une seule fois pris les armes contre la destruction absurde de l'Allemagne. Cela paraît irréparable, mais croyez-le bien, c'est au nom de l'amitié la plus honorable que je vous écris tout cela. Peut-être vous souvenez-vous que quand j'étais encore en Allemagne, et aujourd'hui je sais que ce n'était pas seulement stupide, mais que c'était un grand tort de ne pas partir sur le champ, je vous disais souvent, tant que nous serons les seuls à avoir des nuits sans sommeil, et pas vous, les choses ne s'arrangeront pas en Allemagne. Or, vous n'aviez pas de nuit d'insomnie, vous ne vouliez pas voir, c'était trop inconfortable. Je pourrais vous donner tant d'exemples, grands et petits. Je vous prie de me croire. Tout ce que j'écris ici, c'est pour essayer de vous aider, vous tous. Trois ans plus tard, Meitner aborda à nouveau la question de sa culpabilité pour être resté en Allemagne. Aujourd'hui, il est clair à mes yeux que ce fut une grave faute morale de ne pas quitter l'Allemagne en 1933, puisque par le simple fait d'y rester, j'ai soutenu l'hitlérisme. 7 août 1945, le président Harry Truman annonce que les États-Unis ont utilisé l'arme atomique. Having found the atomic bomb, we have used it. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Only a Japanese surrender will stop us. It is an awful responsibility which has come to us. We thank God that it has come to us instead of to our enemies. And we pray that he may guide us to use it in his ways and for his purposes. Opération Epsilon, rapport de l'officier Rittner à Michael Perrin des services secrets britanniques. Copie au commandant Eric Welch. Les invités se sont rassemblés pour écouter le communiqué officiel de 9h. Ils ont compris que la nouvelle était véridique. Nous avons pensé qu'ils discuteraient de la chose. Nous les avons donc laissés seuls. Diffusion ordinaire. Explosif de 125 par jour, ils disent maintenant. Ils ont l'air d'avoir fait l'explosif avant d'avoir construit le moteur. Ils disent maintenant, dans l'avenir, nous construirons les moteurs. Tout à fait. En tout cas, cela démontre que les Américains sont vraiment capables de monter des coopérations à des échelles fantastiques. Ça aurait été impossible en Allemagne. Chacun disait que l'autre était minable. Vous ne pouvez pas dire ça. Pas pour le groupe travaillant sur l'uranium. On ne peut pas imaginer une coopération et une confiance plus grande que dans ce groupe. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde traitait les autres de minables. Pas officiellement, bien sûr. Et officieusement non plus. Cessez de me contredire. Il y a trop de gens ici qui sont au courant. Et bien entendu que nous ne pouvions pas travailler à cette échelle-là. Combien de personnes travaillaient sur le V1 et le V2 ? Des milliers. On n'aurait jamais eu le courage moral de recommander au gouvernement, au printemps 1942, de mettre 120 000 personnes à travailler uniquement là-dessus. Je crois que nous ne l'avons pas fait parce qu'aucun physicien ne voulait le faire par principe. Si nous avions tous voulu que l'Allemagne gagne la guerre, nous y serions parvenus. Je ne le crois pas, mais je me félicite que nous n'y soyons pas arrivés. Vu les chiffres, je pense qu'ils l'ont fait avec des spectrographes de masse. S'ils avaient une meilleure méthode, ils n'auraient pas besoin de ce la méthode de on n'aurait pas besoin de jamais rien pu faire avec du gaz à haute température. Avec des spectrographes. Quand je pense à tout le temps qu'il nous a fallu pour obtenir un atout séparé de l'uranium, avec du gaz, ça a pris 9 mois, je crois. La guerre sera peut-être finie demain. Et le lendemain, on rentrera à la maison. On ne rentrera jamais. Si on avait travaillé sur une échelle plus grande, les services secrets nous auraient assassinés. Soyons heureux d'être encore en vie. Fêtons cette soirée dans cet esprit-là. Le professeur Gerlach serait un Obergruppenführer et siégerait comme criminel de guerre. Quand on n'a pas de courage, il vaut mieux abandonner tout de suite. Arrêtez de faire toujours des remarques aussi agressives. Les Américains l'ont mieux fait que nous, c'est clair. À ce moment de la conversation, Gerlach quitte la pièce. En fait, la structure des relations entre les scientifiques et l'État était telle en Allemagne que, bien que nous n'étions pas pressés de le faire, l'État nous faisait si peu confiance que, même si on avait voulu le faire, ça n'aurait pas été facile d'y arriver. Parce que les officiels ne s'intéressaient qu'aux résultats immédiats. Ils ne voulaient pas travailler sur des projets à long terme, comme les Américains. Même si on avait eu tout ce qu'on demandait, il n'est pas sûr du tout qu'on serait arrivé aussi loin que là où en sont les Américains et les Anglais aujourd'hui. Le problème n'est pas qu'on était pratiquement aussi avancé qu'eux, mais le fait est qu'on pensait tous que ce n'était pas réalisable pendant la durée de la guerre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je dirais que j'étais absolument convaincu qu'on pouvait faire le moteur à uranium. Mais je n'ai jamais pensé qu'on ferait la bombe. Et au plus profond de mon cœur, j'étais vraiment heureux de faire un moteur, et pas une bombe, je dois bien l'admettre. Si tu avais voulu faire la bombe, on se serait sans doute davantage concentré sur la séparation isotopique et moins sur l'eau lourde. C'est à présent au tour d'Otto Hahn de quitter la pièce. Si on avait commencé ça assez tôt, on aurait abouti à quelque chose. S'ils ont pu y arriver à l'été 45, on aurait peut-être eu assez de chance pour finir à l'hiver 44-45. Le résultat, c'est qu'on aurait anéanti Londres. Mais on n'aurait toujours pas conquis le reste du monde. Et ils nous les auraient lâchés dessus. Je crois qu'il ne faut pas se chercher des excuses maintenant de ne pas y être parvenu. Le fait est qu'on n'a pas voulu le faire. Si on y avait mis la même énergie que les Américains, et si on l'avait voulu autant qu'eux, il est absolument certain qu'on n'y serait pas arrivé, parce qu'ils auraient rasé les usines. Bien sûr, ils nous observaient tout le temps. On peut dire que ça aurait été beaucoup plus tragique pour le monde si l'Allemagne avait eu la bombe à uranium. Imaginez seulement qu'on ait détruit Londres à coups de bombe à uranium. Ça n'aurait pas mis fin à la guerre. Et à la fin de la guerre, je doute que ça aurait été une bonne chose. On n'avait pas assez d'uranium. Il aurait fallu équiper des avions long courrier de moteurs à uranium pour aller faire des atterrissages au Congo ou au nord-ouest du Canada. Il aurait fallu tenir militairement ces zones et extraire la matière des mines. Ça aurait été impossible. On disait que le contenu en uranium des roches dans les mines à côté de Gastein était à ce point élevé que la question du coût ne se posait même pas. Il doit y avoir des quantités énormes d'uranium en Haute-Silésie. Des experts m'ont dit ça. Ce sont d'assez petites quantités. S'ils l'ont fait avec des spectrographes de masse, on n'a pas à s'en vouloir. On n'aurait pas pu le faire. Mais s'ils ont trouvé une astuce, ça me gênerait. Je crois qu'il faut éviter de se quereller entre nous. La cause est perdue. En plus, ne rendons pas les choses trop difficiles pour Hahn. On a sans doute mis au point des tas de choses que les autres sont incapables de faire, mais qu'ils ont utilisées. C'est effrayant pour Hahn. Lui l'a vraiment fait. Oui. Il y a environ un an, un type du ministère des Affaires étrangères m'a dit que les Américains avaient menacé de lâcher une bombe à uranium sur Dresde, si nous ne nous rendions pas bientôt. On m'a demandé alors si je pensais cela possible, et j'ai répondu, en toute bonne foi, non. Cela me paraît caractéristique. Les Allemands ont fait la découverte et ne l'ont pas utilisée. Les Américains, eux, l'ont utilisée. Je dois dire que je n'imaginais pas que les Américains oseraient l'utiliser. Opération Epsilon, Major Rittner, Farm Hall, 6 août 1945. Otto Hahn et Max von Laue ont parlé ensemble de la situation. Hahn a qualifié la nouvelle d'événement immense sans aucun précédent dans l'histoire. Von Laue a émis le vœu d'être rapidement libéré compte tenu de ces nouveaux développements. Quant à Gerlach, après avoir quitté la pièce, il est allé directement dans sa chambre où on l'a entendu sangloter. Un an avant la fin de la guerre, Gerlach a été nommé à la direction du programme nucléaire allemand. Von Laue et Hartek sont montés voir Gerlach. Ils ont essayé de le réconforter. Il semblait dans la situation d'un général vaincu, acculé au suicide. Quand j'ai pris ça en main, j'en ai parlé à Heisenberg et à Hahn. Et j'ai dit à ma femme, la guerre est perdue. Dès que l'ennemi sera entré dans le pays, je serai arrêté et emmené. Je ne l'ai fait que parce que ceci est une affaire allemande. Et nous devons prendre garde à ce que la physique allemande soit préservée. Je n'ai jamais songé à la bombe, mais je me suis dit, puisque Hahn a fait cette découverte, soyons au moins les premiers à l'utiliser. Quand on rentrera en Allemagne, on passera un sale quart d'heure. On va penser que nous avons tout saboté. On ne restera pas longtemps en vie. Vous pouvez être sûr que beaucoup en Allemagne disent que c'est notre faute. Alors laissez-moi seul, s'il vous plaît. À son tour, Otto Hahn est monté réconforter Gerlach. Est-ce que vous êtes en colère parce que nous n'avons pas fait la bombe à uranium ? Je remercie Dieu à genoux que nous n'ayons pas fait la bombe à uranium. Ou bien est-ce que vous êtes démoralisé parce que les Américains l'ont fait avant nous ? Oui, c'est ça. Vous n'êtes quand même pas pour l'existence d'une arme aussi monstrueuse que la bombe à uranium ? Non ! On n'a jamais travaillé sur la bombe. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Mais je pensais réellement qu'il fallait tout mettre en œuvre pour créer les sources d'énergie et pour exploiter toute possibilité d'avenir. Quand les premiers résultats sont sortis, que la concentration a été augmentée par la méthode du cube, j'ai parlé au bras droit de Speer, Geist. Il m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ?» J'ai répondu « À mon avis, un homme politique disposant de cette machine peut faire ce qu'il veut. » 10 ou 15 jours avant la capitulation finale, Geist m'a répondu « Malheureusement, on n'a plus d'homme politique. » Je remercie le ciel que nous n'ayons pas été les premiers à lâcher la bombe à uranium. Vous ne pouvez pas empêcher son développement. J'avais peur de penser à la bombe, mais j'y ai pensé, oui, comme à une chose du futur. Et que l'homme qui pourrait utiliser la menace de la bombe pourrait tout faire. C'est exactement ce que j'ai dit à Geist. Hartek entre à son tour dans la chambre de Gerlach. Dites-moi, Hartek, ce n'est pas malheureux que les autres l'aient faite. Moi, je suis ravi que nous ne l'ayons pas faite. D'accord. Mais on travaillait pour quoi, hein ? Ben pour construire un réacteur, pour produire des éléments, pour calculer la masse des atomes, pour avoir un spectrographe de masse et des éléments radioactifs qui remplaceraient le radium. On n'aurait pas fabriqué la bombe, mais on aurait pu faire le réacteur, et ça me désole. Si vous étiez arrivé un an plus tôt, Gerlach, on aurait pu le faire. Si on n'avait pas pu le faire avec l'eau lourde, on l'aurait fait avec des basses températures. Mais quand vous êtes arrivé, c'était déjà trop tard. La supériorité aérienne de l'ennemi était trop grande. On ne pouvait rien faire. Ils sont restés un long moment comme ceci à discuter tous les trois. À parler aussi de leur situation s'ils devaient retourner en Allemagne. Gerlach pense qu'ils devront rester encore 2 ans en Angleterre parce qu'ils seront en danger. Hahn pense qu'il peut retourner en Allemagne sans crainte pour lui. Gerlach explique que le parti nazi semblait penser qu'il travaillait sur la bombe atomique. Il raconte comment les gens du parti, à Munich, allaient de maison en maison le 27 ou le 28 avril, disant qu'ils allaient utiliser la bombe atomique le lendemain. Je me suis battu pendant 6 mois contre Esau et Beuthe pour qu'ils ne prennent pas l'eau lourde et qu'ils ne construisent pas le réacteur. Esau m'a dit plus d'une fois, c'est mon expérience, je l'amènerai jusqu'au bout. Je me suis obstiné. Beuthe a envoyé cette lettre à Himmler au sujet de mon attitude politique. Je suis au courant de tout. Et vous ne pouvez pas imaginer les problèmes que j'ai eus et dans quelle situation j'étais à la suite de ces accusations. Je ne donnais pas cher de mes chances de survie à cette époque-là. Cela a continué jusqu'en septembre ou octobre, jusqu'au moment où Dessau a fini par renoncer officiellement à l'uranium et à l'eau lourde. Oui, bien sûr, on ne s'y est pas pris comme il fallait. Seul comptait la théorie, les expériences étaient secondaires, on écrivait des formules pratiquement incompréhensibles. On n'a pas fait d'expérience avec assez de ténacité. Supposez qu'un type comme Hertz ait fait les expériences. Il s'y serait pris assez différemment. Il ne faut pas dire devant ces deux Anglais qu'on aurait dû en faire plus. Wirtz a dit qu'on aurait dû travailler davantage sur la séparation isotopique. Ce n'est pas la même chose de dire qu'on n'avait pas assez de moyens. On ne peut pas dire devant ces Anglais qu'on n'a pas essayé assez sérieusement. Ils étaient nos ennemis, bien qu'on ait saboté la guerre. Il y a des choses que nous savons et dont nous pouvons parler entre nous. Mais il ne faut pas en discuter en leur présence. Oui. Voici en résumé la suite des entretiens de cette journée. Hahn et Heisenberg ont discuté ensemble. Hahn était très bouleversé à propos de tout ça. Il ne comprenait pas pourquoi Gerlach l'avait si mal pris. Pour Heisenberg, Gerlach était le seul qui eût vraiment désiré une victoire de l'Allemagne, parce que bien qu'il ait compris et désapprouvé les crimes commis par les nazis, il ne pouvait pas oublier qu'il travaillait pour l'Allemagne. Hahn a répondu qu'il travaillait dans le même pays et que, si curieux que cela puisse paraître, c'est pour cela qu'il avait souhaité la défaite. Heisenberg a poursuivi en disant qu'il pensait que la possession de la bombe à uranium renforcerait la position des Américains vis-à-vis des Russes. Ils ont ensuite discuté du même sujet qu'auparavant, disant qu'ils n'avaient jamais voulu travailler sur la bombe et qu'ils avaient été bien heureux lorsqu'on avait décidé de tout mettre sur le moteur. Heisenberg a déclaré que des gens en Allemagne pourraient dire qu'ils auraient dû forcer les autorités à mettre les moyens nécessaires à leur disposition et à libérer 100 000 hommes pour la fabrication de la bombe. Il a lui-même le sentiment que s'ils avaient été dans le même état d'esprit que les Américains et s'ils s'étaient dit à eux-mêmes qu'il fallait à tout prix que Hitler gagne la guerre, ils y seraient arrivés, alors qu'en fait, ils ne voulaient pas qu'il gagne. Hahn a admis cependant qu'il n'avait jamais pensé que la défaite de l'Allemagne allait provoquer une telle tragédie dans son pays. Puis les deux hommes ont évoqué les sentiments des savants américains et britanniques qui ont mis au point la bombe atomique. Selon Heisenberg, leur situation était différente puisqu'ils considéraient Hitler comme un criminel. Cette saga radiophonique était réalisée par Jérôme Nussbaum, avec les comédiens Pierre Arbel, Thierry Joran, Mauro Bellucci, Valentin Rossier, Thierry Joran, Nicolas Rénui, Oscar Sfaludi, ainsi que Jacques Mourican. Demain, la suite de ces conversations secrètes captées dans le cottage de Farm Hall par les officiers britanniques à l'écoute des savants atomistes allemands kidnappés. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.